Je te fais un énorme bisou, c'est le premier de l'année. Chère auditrice, chers auditeurs et les autres, je vous souhaite une très très bonne année 2024. Bonne année. Chers amis de Radio Campus Lille, je vous souhaite une belle année 2024, plein de bonheur et surtout toujours en musique. Camarades auditrices, camarades auditeurs, bonne année! À l'écoute de votre radio préférée. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Eh bien, à la suite des autres que vous venez d'entendre, tous nos voeux pour l'année 2024 de la part de l'équipe de Angle d'attaque. Une année 2024 qui commence sous bien de mauvais auspices et de tristes réalités, on y reviendra. Bonjour donc à vous qui nous écoutez sur campuslille.com, sur DAB+, ou sur les 106,6 MHz de Radio Campus. Il est midi et vous écoutez Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une association d'éducation populaire. Et pour servir aujourd'hui, Florent, l'informaticien qui gère le temps, la pause musicale et le calendrier militant, quand il y en a un. Autour de table, Quentin l'ingénieur, Morgane le billettiste, Ludovic au look gramscien est resté au fond de son lit, frappé par une salope de grippe. Et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? De low-techs, basse technologie littéralement, que nous avons préféré traduire par technologie conviviale, dont nous sommes certains qu'ils nous permettront de mieux vivre dans les années futures. Un thème important qui fait partie de ce que nous voulons, CQNV, dont nous entamons aujourd'hui le volet 4. Pour en parler, nous sommes tous appliqués à la lecture d'un livre recommandé par Quentin, un livre fondateur, on va dire, hein, sans se tromper. Et c'est ensemble que nous allons aborder la question des technologies que nous avons appelées donc conviviales, leurs déterminants, leurs raisons d'exister et leurs raisons de devenir et leurs implications dans notre société. Des low-techs, de toute façon, parmi nous, celui qui en parle le mieux, c'est Quentin l'ingénieur. À toi, Quentin. Merci. Alors, je vais commencer l'émission avec un petit pas de côté et on va parler de ce que c'est que la technocritique. Parce que les technologies conviviales, ou alors l'expression anglophone des low-tech qui a été reprise partout, à la base, c'est de la technocritique, c'est une remise en cause du lien entre le progrès technique et le bien-être dans la société. Alors, il y a de nombreux philosophes, écrivains, écrivaines qui ont participé à faire vivre ce courant de pensée, qu'on peut catégoriser parfois d'idéologie, et ça a trouvé un écho dans le monde entier. Bon, c'est une résonance qui est logique, car c'est la diffusion de l'industrie et du consumérisme qui ont diffusé leurs critiques avec eux. Mais c'est aussi un courant qui s'est amplifié avec la prise de conscience écologique à la fin du XXe siècle. Je vais éviter de vous faire une revue des auteurs et des ouvrages, on va rester concis. Il y a beaucoup de nuances et de façons de faire de la technocritique. On va de la technophobie totale, la technologie c'est toujours mal, et les personnes qui interagissent avec vivent toujours moins bien, à des postures bien moins radicales. La remise en cause du bien fondé du progrès technique est une quasi constante qui éloigne évidemment les technocritiques du capitalisme, avec son lot de produire toujours plus, toujours mieux, toujours plus fort, mais aussi du socialisme. En effet, si Marx questionne la propriété des moyens de production, la technocritique questionne le bien fondé des moyens de production eux-mêmes. Même si, précaution oratoire, Marx a lui-même questionné dans ses écrits le bien fondé de la productivité, me frappez pas les marxistes, je vous aime bien en vrai. Une notion clé, avancée par Jacques Ellul, c'est le remplacement de la politique par la technique. C'est une notion que l'on retrouve lorsque l'on critique à attaque l'aspect technocratique de certaines instances économiques, la BCE, le FMI. Mais il va de même pour la technique, accepter toute nouvelle technologie. Comme la continuité de la précédente, comme quelque chose d'inéluctable, c'est renoncer à un pouvoir politique. Ce que l'on perd, c'est la capacité d'interroger toutes les conséquences de l'émergence de telle ou telle technique ou technologie. Avant de la généraliser, faut-il faire des expérimentations, limiter les effets, ou carrément interdire, limiter celui-ci ou cela. Évidemment, poser ces questions, c'est interroger l'impact d'une technologie sur la santé, des personnes qui interagissent avec, le marché du travail, l'environnement, la santé mentale et les réseaux sociaux, et plein d'autres choses. Évidemment, la pondération qu'on mettra sur telle ou telle conséquence et le principe de précaution et le principe de preuve qu'on va y mettre va dépendre de l'observateur. C'est de la politique. Je vais conclure avec deux exemples. On peut prendre une affirmation qui est très technophile, comme par exemple pas trop besoin de s'inquiéter pour le futur parce qu'on aura des réacteurs à fusion. La fusion, c'est dans les tuyaux, ça fait longtemps qu'on y travaille, on a des chantiers, tout va bien aller. En réalité, quand on regarde par exemple cette affirmation, d'un point de vue technocritique, on peut se dire on prend le calendrier, on regarde, technologie de fusion, annoncée par les instigateurs même du projet, pourra fournir 1% de l'électricité mondiale en 2070. Bon, là, on voit tout de suite le problème. C'est que le problème du réchauffement climatique, il est à régler dans les 30 ans à venir, avec une décrue massive de l'usage du charbon. Donc, c'est pas avec une solution qui arrive en 2070 qu'on va vraiment résoudre quelque chose. Du coup, là, voilà, on peut nuancer beaucoup la technophilie autour de cette idée-là. Un autre exemple, mais plutôt côté critique de la technologie, on peut utiliser dans les champs la bouillie bordelaise. Alors, je vais peut-être pas me faire mes amis du côté de Carcassonne, mais je vais quand même y aller. C'est une solution biologique qui remplace les pesticides dérivés du pétrole pour combattre le mildiou dans les vignes et pour certains arbres fruitiers. En plus, on l'utilise en France depuis plus d'un siècle. C'est génial, mais faut pas oublier que la bouillie bordelaise, c'est produit en combinant des sulfates de cuivre et de la chaux, qui sont à la base des coproduits de l'industrie. Parce que oui, quand on dit plus d'un siècle, c'était déjà à l'ère industrielle qu'on avait produit ce pesticide. Et du coup, j'ai bien parlé de sulfate de cuivre, et donc du coup de cuivre, un métal lourd qui s'accumule dans les sols et dans les corps. Mais est-ce que c'est vraiment toxique? Parce que c'est toujours la dose qui fait le poison. Et c'est difficile à dire, parce que les études sur la bouillie bordelaise sont encore moins nombreuses que celles sur le glyphosate. Et encore une fois, on vient à la conclusion, est-ce que c'est le mildiou qui a gagné et puis on n'a aucune solution? Non, les agriculteurs choisissent librement leurs armes, et c'est aussi une conclusion importante. Lorsqu'on fait de la technocritique, on ne sait pas toujours quoi penser des technologies. Elles ne sont pas encore arrivées, ou alors on n'a pas encore assez travaillé dessus pour établir des conclusions sur la toxicité, l'impact sur l'économie, etc. Mais du coup, on en revient à cette question politique. Il va falloir parfois prendre des décisions. Il va falloir trancher. Ici, à ATTAC, on part d'une posture altermondialiste, on met le social et l'écologie en avant, et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vous parler des technologies conviviales, parce que ça nous semble être une bonne réponse en termes de social et d'écologie. En effet, merci Quentin pour cette introduction éclairante sur ce que nous pensons. Alors, je voudrais ajouter un mot, si c'est possible, puisque tu as parlé de technologie de la fusion. J'ai écouté cette semaine dernière un certain Jean-Baptiste Fressoz qui m'a rappelé ce que tu m'avais dit à une époque, à savoir que, en fait, il n'y a pas précisément de phasage dans les énergies. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que, il expliquait d'ailleurs, sur la question du journaliste qui a interviewé, il expliquait que le ministère de la transition énergétique, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de transition énergétique, en fait. On n'a jamais autant utilisé de charbon, on n'est pas passé du moulin l'énergie charbonnée, les mines donc, l'extraction minière. Après, on serait passé, à partir de 1974, au milieu des années 2000, non, même avant, dans le 19e siècle et 20e siècle, on serait passé au pétrole, et après, on passerait au nucléaire. C'est pas ça comme ça que ça se passe du tout. On n'arrête pas de consommer plus de bois, plus de charbon, plus de fuel, et avec l'énergie nucléaire. Donc c'est un véritable problème qu'il pose. Donc il se moquait de cet homme, de l'existence d'un ministère de la transition énergétique. Pour lui, ça n'existe pas en tant qu'historien. Voilà, c'est Jean-Baptiste Fressoz dont je parle. Je n'ai pas eu le temps de noter le nom de son bouquin, mais je crois que c'est « Histoire de l'énergie ». Voilà, tout ça pour te relancer sur quelque chose qui est très intéressant chez Bouygues, c'est l'écologie de la demande. Oui, tout à fait. Alors je reprends en main la partie de notre cher Ludovic Portepal. Dans ma première partie, je vous parlais de technocritique, et puis on peut esquisser vraiment une opposition caricaturale entre les low-tech et les high-tech. Mais il y a une autre façon de le dire, c'est de parler de les de l'opposition, pardon, entre l'écologie de l'offre et l'écologie de la demande. Donc, les high-tech, ça renvoie à un dépassement du contexte autre que marchand. C'est-à-dire, j'ai un problème, j'ai une solution. Et donc, on peut revenir, par exemple, aux questions du pesticide. Bah, j'ai un problème, je vais aller voir mon industrie chimique et je vais trouver le pesticide qui me résout mon problème. Mais du coup, plus on entasse ces solutions, qui peuvent d'ailleurs, pour certaines, poser d'autres problèmes et demander à ce qu'on mette en place d'autres techniques pour les régler, on est dans, dans un solutionnisme technologique constant, et l'écologie de l'offre reprend ces solutions qu'on propose. Donc je reviens sur le pesticide, l'écologie de l'offre, elle revient sur le pesticide, elle dit « Ah bah ce pesticide-là, il nous pose tel ou tel problème écologique, il faudrait le remplacer par un pesticide qui n'a plus ces problèmes-là ». Et donc, du coup, on a cette écologie de la demande. A contrario, dans l'écologie de l'offre, Donc, offre, je propose quelque chose qui remplace une technique existante. Et a contrario, on a l'écologie de la demande. Donc, c'est plus systémique, c'est-à-dire, on revient sur une vision d'ensemble. S'il y a un problème à résoudre, est-ce qu'on ne peut pas contourner ce problème? Est-ce qu'on a vraiment une utilité à utiliser une solution technique à ce moment-là, à cet endroit-là, pour résoudre ce problème? Est-ce que c'est pas une question de quantité? Est-ce que c'est pas une question de rythme? Par exemple, est-ce que on n'a pas un problème qui apparaît parce qu'en fait on veut fabriquer, est-ce qu'on veut une rentabilité à l'hectare très forte et que le problème vient de la rentabilité à l'hectare et vient pas forcément de la culture en elle-même? On reste sur des exemples d'agriculture. Un autre exemple qui peut être assez facile à comprendre, c'est qu'on dit on a besoin de transition énergétique, on en parlait juste avant, on va couvrir des surfaces entières de panneaux solaires, mais on va oublier dans l'écologie de l'offre d'interroger à quoi servent, qu'est-ce qu'alimente ces panneaux solaires. Et donc si c'est pour avoir des panneaux publicitaires allumés, si c'est pour produire l'iPhone 14, peut-être qu'on peut se reposer, je suis même pas à jour, ça doit être le 15, on peut du coup reposer la question de toute cette énergie et toute cette transition énergétique qu'on souhaite faire, est-ce qu'on a besoin de produire toujours autant d'énergie si on remet en cause? Un des exemples qui vient aussi du livre de Philippe Biwix, c'est le verre. Quand on veut recycler du verre, donc on a une filière de recyclage en France qui est quand même assez efficace, mais on a un problème de dégradation d'usage, c'est-à-dire que on a un verre qui peut être souillé, on a un verre pour le teinter dans lequel on va rajouter des métaux, on va rajouter des colorants, et donc du coup, avec le temps, à force d'usage du verre, on ne peut plus utiliser une bouteille en verre, une bouteille de bière, peu importe l'usage, qui va passer par une filière de recyclage, on va considérer que c'est un verre qui est de moins bonne qualité, qui ne pourra plus être utilisé pour faire une bouteille de verre blanc, par exemple. Et c'est valable aussi pour les plastiques, c'est valable pour pas mal de matières composites, où en fait, quand on va ajouter des composants pour soit avoir un beau rendu, soit au contraire pour doper les qualités du matériau, ça va être bon lors du premier usage, mais en recyclage, ça va être très mauvais. Et l'exemple que donne Philippe Biwix, c'est de dire, l'écologie de l'offre va aller chercher le verre recyclé et va dire, tant pis, on l'utilisera pour des usages qui sont moins qualitatifs. Et l'écologie de la demande va dire, mais pourquoi j'ai cassé ma bouteille de verre? Pourquoi je ne l'ai pas juste nettoyée? On revient, c'est le retour du laitier, de la solution d'antan, de dire, je vais avoir une différence de bouteilles limitée. Je vais avoir une différence entre les bouteilles qui va se concentrer principalement, par exemple, sur l'étiquette. Et à partir de là, je vais pouvoir mettre en place une filière qui va principalement nettoyer les bouteilles plutôt que les briser, les refondre et les remouler dans une nouvelle bouteille. L'image aussi qui vient du livre de Philippe Biwix, c'est de dire, c'était l'acteur James Dean au volant de sa voiture dans le film La Fureur de Revivre. Alors je reprends l'exemple, je n'ai pas vu le film mais l'idée c'est que l'économie de l'offre, quand on roule et qu'on va au devant d'une falaise, se dit on arrivera bien à mettre des ailes sur la voiture, c'est pas si grave. Et c'est un peu ce qu'on reprend sur l'exemple de la technophilie que je prenais tout à l'heure. Alors que l'écologie de la... Je vais arriver à chaque fois. De la demande, dit qu'il va vraiment falloir appuyer sur le frein à un moment et que de toute façon, on va au crash si on continue de rouler à cette vitesse-là. Oui, alors, tout ce que tu dis de façon très imagée correspond effectivement à ce que nous critiquons à ATTAC, une course effrénée à l'extractivisme, mais on va reparler tout de suite avec Morgane, mais à la consommation, rien n'est fait, rien n'est dit pour essayer de parler un peu de sobriété. On fait prendre conscience aux gens quand on leur dit écoutez et évitez de laisser le robinet couler pendant que vous vous brossez les dents, en gros. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a aussi un lien évident à faire quand on parle à ATTAC de modèle économique, c'est que, en fait, l'économie de la demande contient en elle-même une remise en cause du modèle de toujours plus. Et en fait, voilà, quand on est dans des modèles avec des systèmes de dette, avec des systèmes où on veut une croissance à tout prix, et on a toute la question, par exemple, du plein emploi qui se pose en France, tous ces éléments-là, en fait, faire le premier pas vers une écologie de la demande, c'est extrêmement coûteux, parce que ça revient à dire peut-être que demain, on va produire moins. Et peut-être que dans les modèles capitalistiques européens, où on veut faire de la haute technologie, où on veut faire énormément de valeur ajoutée, demain, peut-être que l'avion du futur, ce sera un planeur, en fait. Et on n'a peut-être pas besoin de développer des technologies extrêmes. Enfin, l'avion hydrogène, entre guillemets. Voilà, par exemple, ça, c'est un exemple écologie de l'offre, écologie de la demande. C'est-à-dire, vous voulez faire votre trajet en avion comme vous l'avez toujours fait depuis les 50 dernières années, et bien on va vous faire l'avion à hydrogène, il va arriver en 2040, on aura quelques avions en 2050 et tout sera réglé, alors que ça n'a aucun sens par rapport à la planification écologique telle qu'elle devrait être mise en place, et que c'est juste pour faire perdurer un système où, sans le remettre en cause. En n'oubliant pas que l'avion à hydrogène, en fait, quand bien même il arriverait, il faudrait remplacer tout le parc existant d'avions, et que actuellement l'hydrogène, on le produit avec des carburants fossiles. Donc, c'est un peu vide de sens de dire c'est bon, je vole à l'hydrogène, je pollue pas. Si, il faut le produire l'hydrogène, quoi. Oui, alors sur ça, Fressos extra clair, ça n'existera pas. Il n'y aura pas d'avion à hydrogène. Ça pourrait exister, effectivement, ça existe déjà sur des petits jodels, des petits avions, mais certainement pas pour des moyens ni par des longs courriers. J'en avais déjà écrit un mot lorsque on se battait contre l'augmentation de la taille de l'aéroport de Lille dans mon papier au commissaire public, en disant un avion hydrogène tel qu'il est pensé aujourd'hui, c'est un avion de 80 places qui est déjà plus possible, avec un chargement bien trop lourd pour porter l'avion. Oui, alors un mot quand même sur la demande, pour pas qu'il y ait de confusion dans la tête. Nous défendons aussi à ATTAC la demande, parce qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, qui ne sont pas capables de se nourrir normalement, qui ne sont pas capables de se chauffer normalement. Et effectivement, on est bien conscient que l'augmentation des salaires et le blocage des prix font partie des politiques que nous souhaitons à ATTAC et ailleurs dans la gauche. Je me tourne vers Morgane. Toi, tu vas nous parler, j'en ai déjà dit un mot, de l'extractivisme. Oui, l'extractivisme, la fuite en avant technologique. On commence à en parler de la consommation énergétique qu'il y a à revoir en Occident et globalement, en fait. On a commencé à parler un peu des renouvelables, sachant que pour la consommation actuelle et celle de pays qui se développent, le renouvelable ne peut pas suffire à lui-même. Par exemple, sur l'énergie solaire, donc il y a l'entreprise Desertec qui propose l'installation de 20 centrales solaires d'ici 2050, mais qui suffirait à alimenter que 13% de la consommation européenne, en fait. Et si on veut subvenir à la consommation actuelle mondiale, il faudrait 500 ans de production actuelle de panneaux solaires pour réussir à subvenir à cette demande. Ou, si on veut être plus modeste, entre guillemets, simplement avec du solaire, 130 années pour la demande européenne. Pour ce qui est de l'énergie éolienne, donc la remarque pourra être similaire, de plus que les éoliennes actuelles ne se recyclent pas bien. Et on est sur des parcs qu'il faudrait renouveler régulièrement, en fait, toutes les, pour le solaire, par exemple, pour tous les 40 ans, en fait. On a aussi le projet Pélamis, en fait, pour le là pour mettre à contribution l'énergie marine. Donc c'est un boudin de 150 mètres de long qui produit 750 kWh par kilowatt de puissance, soit une production annuelle d'environ 2,7 gigawatt-heure en millions. Pour produire l'équivalent d'un seul réacteur nucléaire, il faudra installer environ 3000 boudins dans 75 fermes océaniques de 130 hectares chacune. Donc Philippe Biwix suggère aux pêcheurs d'apprendre à slalomer du coup pour réussir à gérer ça. Le nucléaire non plus n'est pas en reste puisque, comme déjà précisé, c'est une petite partie de la production énergétique mondiale et, comme l'a dit Quentin, la technologie de fusion arriverait à maturation d'ici 2070 en fait. Et en soi, le nucléaire serait pas non plus recommandable absolument partout dans le monde. Effectivement, en France, on est relativement épargné niveau risque sismique ou tsunami, mais les habitants de Fukushima sont pas vraiment d'accord, en fait. Et le nucléaire, ça implique une demande en personnel qui est formé, qualifié, compétent, un entretien de la technologie assez poussé, donc un besoin de fiabilité assez fort. Et derrière, c'est une technologie qui pollue des matériaux sur les très longs termes. Donc il y a les déchets pour vraiment produire l'énergie, mais aussi tout ce qui est structurel aussi qui va pas se recycler en fait, qu'on peut pas réutiliser. Même derrière, il y a aussi ici sur l'île, il y a l'autoroute de la chaleur, donc qui permet avec du renouvelable de chauffer, je crois que c'est 40 000 foyers. C'est bien, c'est du renouvelable, mais ça reste que ça ne subvient pas à la demande de tous les logements de l'île, en fait. Enfin, loin de là. Bon. Donc d'ailleurs, on a aussi, comme je disais, une impasse au niveau de l'utilisation et du recyclable. Par exemple, pour les matières plastiques, on a une possibilité de refonte de certains polymères. Et certaines utilisations du plastique les rendent de toute façon pas recyclables pour tout ce qui va être souillé par des utilisations alimentaires ou pour des utilisations médicales. Et on a aussi des matériaux qui vont pas bien se recycler du fait de la, on va dire, la complexité complexité entre guillemets de certains objets. Une chose toute bête comme un parapluie qui va être inconsommable, qui va se casser, qu'on va perdre, etc. En anglais, on parle de wish cycling, c'est-à-dire on voudrait pouvoir le recycler, mais c'est beaucoup trop complexe de tout démonter. Et derrière, il y a des matériaux qu'on peut tout simplement pas recycler. Et au niveau du métal, par exemple, donc on peut prendre l'exemple des pièces de monnaie qui vont, on va dire, imperceptiblement s'altérer et s'user du fait de l'usage, mais qui vont quand même s'user ou vont quand même avoir de la perte. Et, bon, par exemple, sur le nickel, un métal qu'on arrive assez bien à recycler, qu'on arrive assez bien à repérer, on va pouvoir le recycler qu'à 55% en fait. Environ 15% vont être perdus quand c'est bien, du fait de la dégradation d'usage, aussi parce qu'il va se retrouver à mêler à d'autres matériaux moins nobles en fait, et qu'on va de toute façon perdre. Et ça pose aussi du coup la question de la réutilisation des métaux plus précieux et des terres rares en fait. Des multiples composants qu'on va retrouver dans notre électroménager ou dans notre électronique, nos smartphones, nos tablettes, qui ou bien vont pas être mis au bon endroit du recyclable, vont être perdus en logistique, ou de toute façon qu'on va pas réussir à bien recycler en fait. Et Oui. Si je peux me permettre, oui. Il y a aussi les, vraiment littéralement des usages dispersifs, hein, oui. Comme le maquillage, on a des métaux qui sont utilisés dans le maquillage pour certaines teintes, ou même les pots catalytiques, ou certains usages. Alors, en fait, le pot catalytique, on revient purement dans la solution technique, où on dit, bon, bah, les voitures polluent trop, bah, on va brider la voiture et on va mettre un pot catalytique dedans, où il y a des métaux, donc du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est du palladium qu'on a à l'intérieur, oui. Qui est complètement dispersif. C'est-à-dire on a des fractions de palladium qui vont se balader, qui vont enrichir les routes, mais qu'on saura jamais récupérer, en fait. Et quand on n'arrive pas à améliorer le pot catalytique, on triche sur les logiciels. Exactement. Et on a le résultat, voilà, qu'on attendait. C'est magnifique. Toujours des Volkswagen et puis Renault. Enfin, tout le monde s'y est mis. Ouais. Et même pour reparler strictement de l'extractivisme, en fait, donc c'est effectivement du métal, on va en vouloir toujours plus. Ça va poser la question, alors, des filons qu'on trouve actuellement qui vont être de moins en moins riches, de moins en moins intéressants dans ce qu'on peut trouver facilement. Et derrière, bah, ça veut dire qu'il va falloir aller creuser toujours de plus en plus loin. Donc, ce qui va impliquer un coût énergétique pour récupérer ce métal de plus en plus important. Donc, surtout des métaux, les terres rares, bah, au bout d'un moment, on n'en aura plus. Là, on parle du véhicule électrique, enfin, propulsion électrique, qui est a priori moins dommageable pour l'environnement qu'avec des matériaux fossiles, du pétrole, de l'essence, du diesel et autres. Mais si on veut remplacer le parc automobile européen, américain à l'identique par de l'électrique, ben on n'aura tout simplement pas assez de lithium pour toutes les batteries, en fait. Donc, En fait, oui, jusqu'ici, on avait cet extractivisme qui était aussi mis à distance, en fait, parce qu'il était dans des pays où on a une législation qui est plus légère, et puis on n'a pas des reportages qui y vont tous les jours. Et c'est quand même assez intéressant de voir les réactions qu'on peut avoir en France, mais du coup aussi dans certaines autres régions d'Europe, quand on parle de réimplanter des mines. Et en fait, moi je trouve ça super intéressant parce que, évidemment, qu'on a une mobilisation d'écologistes face à ces projets, et c'est très bien de les discuter, c'est très bien de limiter au maximum les impacts qu'ils peuvent avoir, mais on en a déjà parlé par exemple sur l'opposition à NADA, c'est qu'on a à la fois l'opposition au projet en lui-même, mais l'opposition au projet de société. Qui se trouve derrière. Et en fait, il faut continuer de combattre et de questionner le remplacement de la voiture par la voiture électrique, ou du moins par une voiture électrique qui pèse 2 tonnes, qui est géante et qui fait exactement ce que fait la voiture d'aujourd'hui, puisque en fait, tout l'extractivisme qu'il y a derrière, il a des conséquences qu'on ne saurait accepter chez nous, mais que parfois on oublie qu'elles sont constantes, journalières, dans plein d'endroits du monde. Absolument, oui. Ouais, bah très concrètement, effectivement, pour faire des installations d'extraction, de traitement de terres rares, techniquement, on pourrait le faire en France, sauf que pour ça, ça nécessite d'irradier des milliers de litres d'eau. Donc, en fait, on s'accommode très bien que c'est fait en Chine, c'est loin, il y a un dumping écologique. Enfin, voilà, ça pose beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. Oui, alors tout ce qu'on dit là, c'est bien le résultat de l'économie de l'offre. Hein. Il faut toujours plus creuser, il faut toujours plus trouver de nouveaux matériaux, de nouvelles combines chimiques ou de nouvelles combines de quoi que ce soit pour satisfaire une demande qui, la demande au sens où on ne l'a pas dit tout à l'heure, une demande qui est manifestement est indéfini et les besoins des êtres humains sont inassouvables apparemment, inassouvibles, je ne sais pas si on le dit. Et puis voilà, quoi. Alors que ce que nous disons ici, c'est bien sûr que notre conception de la demande, c'est d'avoir une citoyenneté compréhensive de la situation, de notre économie, de notre pays, et surtout réfléchir à l'économie qu'on peut faire, parce qu'effectivement, l'économie la moins chère, c'est celle, l'électricité la moins chère, c'est elle qu'on n'utilise pas, pour employer quelque chose, une phrase plutôt rebattue. Autre chose. On voulait parler d'emploi. On voulait parler d'emploi, en effet. D'industrie. Et d'industrie, voilà. Alors, je vais reprendre, hein, c'est des choses qu'on a déjà dit, mais il y a une incompatibilité évidente entre la démarche des technologies conviviales et le consumérisme tel qu'on le vit aujourd'hui. On s'imagine bien que le dernier téléphone à la mode, le tout connecté, le SUV de 2 tonnes pour tous, c'est pas tout à fait soutenable. Et c'est complètement hors cadre de l'application des technologies conviviales. Mais la question qui se pose derrière, c'est que va-t-il arriver aux vendeurs de SUV ? Que va-t-il arriver aux boutiques de téléphonie ? En fait, c'est vrai, il va falloir changer le monde du travail. Dans le livre de Philippe Biwix, on a même des estimations, dans le livre, il le dit que c'est des choses qui sont faites assez à la louche. Hein. Il n'a pas la capacité d'un ministère pour évaluer une transition. Mais il va y avoir très certainement une baisse d'emplois dans les métiers du commerce, qui sont quand même un métier qui représente beaucoup d'emplois aujourd'hui. Et on va faire remonter, par exemple, l'emploi dans l'agriculture. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une agriculture qui fonctionne à la mécanisation. On a une agriculture du futur qui nous est vue contrôlée avec des drones et des robots et tout ce que vous voulez. Mais on peut reboucler sur le problème de l'extractivisme. Si je veux des robots dans mes champs, il va falloir des milliers de moteurs, il va falloir des millions de cartes électroniques, etc. Et donc, du coup, on ne va jamais résoudre certains problèmes qui sont déjà existants. Et du coup, on peut agir sur le gaspillage et on peut agir sur une agriculture du local pour le local. Ce qui revient aussi à augmenter, du coup, drastiquement le nombre d'emplois dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Tu voulais intervenir, Christian ? Oui, effectivement, sur cette question-là, enfin, un certain nombre de points que tu... Je reprends certainement des points que tu as évoqués. Je voudrais quand même dire que, avant d'atteindre l'horizon harmonieux qu'on essaie d'atteindre, il faudrait quand même réparer ce qu'a fait le macronisme, le sarkozisme et le hollandisme depuis à peu près 3 décennies. Et je suis d'accord avec Robert Boyer, professeur d'économie, hein, qui a amené avec Aglietta la théorie de la régulation, qui disait dans son bouquin « Le capitalisme à l'épreuve des pandémies », de la pandémie, il terminait sur, il y a une chose qu'il faut faire d'abord et avant tout, c'est réparer l'hôpital, réparer l'école et développer l'art. Ça me semble un très beau projet de cet économiste que je suis particulièrement. Voilà. Alors, quels sont les emplois que nous voulons ? Tu en as déjà dit un mot. Je crois qu'on ne peut pas non plus se passer des travaux qui ont été faits par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz. Donc, les incidences économiques de l'action pour le climat, dont on sait que Macron l'a fait lire à sa poubelle, puisqu'il demandait effectivement, tous les deux, d'avoir une réflexion sur la taxation pour les plus riches, pour financer une action pour financer l'action pour le climat. Autrement dit, il faudrait faire en 7 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2030, ce qu'on n'a pas fait en 20 ans. Hein. C'est à peu près la demande, le travail, la réflexion de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz. Bon, donc là, il y a un travail qui est intéressant, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est quand même, d'ici 2030, il travaille sur 15 familles professionnelles où on trouve des ouvriers qualifiés ou des cadres financiers, des cadres administratifs. Je ne sais pas où ils sont allés vraiment chercher ces familles professionnelles, mais on trouve des choses qui sont similaires de ce que tu as déjà dit, hein, ou un développement d'emplois dans l'agriculture et peut-être une petite contradiction parce que dans l'industrie, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec les chiffres qu'avance Biwix. On a en fait 3 études avec celle-ci, donc ça fait 4, celle dont je viens de parler, donc Pisani-Ferry, Il y a 4 études qui ont travaillé un peu sur la perspective de l'emploi. C'est Negawatt, le bien connu, qui a été souvent défendu, non seulement à ce micro, mais dans ses discours et ses bouquins par notre ami Jean Gadret, qui dit que Negawatt a fait un travail qui montre, effectivement, que de l'emploi peut être créé dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de la rénovation, dans l'évolution des véhicules et des pratiques d'utilisation des véhicules, etc. Negawatt propose d'ailleurs 2 scénarios. Le premier scénario dont parlait Gadret, c'était celui de 2017, où il prévoyait 150 000 emplois créés en 2022, 5 ans plus tard, donc 400 000 en 2030 et 600 000 en 2050. Donc, sur, encore une fois, sur la rénovation des bâtiments, sur les pratiques de déplacement, sur les circuits courts, etc. En 2022, le même Negawatt en remet une couche. Et il revoit à la hausse ses statistiques, en pointant évidemment, en revanche, malgré tout, un déclin du travail dans les secteurs de l'automobile et du nucléaire, et cumulé pourtant, les créations d'emplois seraient supérieures aux destructions d'emplois. Donc, il pense à un bilan positif, contrairement d'ailleurs aux statistiques, aux crobards que fait Biwix dans son bouquin. J'ai perdu la page, mais... Oui, il parle de passer de 26 millions d'emplois à 20 à 23 millions d'emplois. C'est ça. Alors, avec un petit problème quand même, c'est qu'il ne date pas vraiment. Il ne date pas du tout, d'ailleurs. Mais on peut imaginer que c'est les tendances qui nous intéressent, et ce sont les tendances qui nous intéressent sur ce point-là. Je voulais rajouter sur l'emploi, je pense qu'on peut aussi réduire le temps de travail. Merci Florent, tu me l'ôtes de la bouche, mais effectivement, il y a ça qui n'est pas du tout envisagé chez Biwix. À la fois, ou c'est pas dit là en tout cas, à la fois la réduction du temps de travail et peut-être l'amélioration des conditions de travail aussi, qui ne sont pas vraiment très évoquées ou implicitement en tout cas. Je reviens sur Negawatt, donc il rajoute une couche, les amis de Negawatt. Donc ils attendent 250 000 emplois supplémentaires par rapport aux 400 000 prévu déjà dans le scénario précédent, 2017, en 2022, donc 250 000 emplois supplémentaires. Pour 2030, il prévoit 300 000 emplois de plus que les 400 000 prévus. Et pour les énergies renouvelables seulement, il prévoit 135 000 emplois en 2050 pour les 600 000 déjà annoncés. Donc, de l'emploi, il y en aurait. Donc, il faut en savoir ce qu'on en fait, effectivement. Donc, pour Biwix, je ne reviens pas sur ce que tu as dit. C'est sûr que l'industrie agricole serait la grande gagnante, tout simplement parce que on est... alors, l'industrie agricole, il y ajoute l'industrie agricole et alimentaire. On sait la grande gagnante dans la mesure où l'agriculture biologique est beaucoup plus demandeuse de main-d'œuvre dans ce cas-là. Et il pense, lui, et on n'est pas surpris après ce qu'on nous a dit déjà dans l'introduction, que la démécanisation partielle permettrait un maraîchage plus soft, on va dire, et surtout en évitant des grandes cultures. Je rappelle que notre copain Germain, qui était à ce micro pendant des années, voulait avoir un âne, voulait acheter un âne pour faire son maraîchage. À l'inverse, les emplois qui devraient disparaître, bien sûr, dans l'agroalimentaire, on espère qu'il y aura moins de produits congelés, moins de poissons carrés, là, épanés, dans les assiettes de nos cantines. Bah, moins de produits chargés en conservateurs. En fait, là, du coup, ça impliquerait d'appliquer la logique du flux tendu, en fait. Mais pour la consommation, en fait, même si on prend des produits industriels, des plats préparés, qui est alors certes moins de conservateurs, qui dureraient moins longtemps, mais du coup, qu'on ait une consommation vraiment plus de saison et plus. Voilà, plus ça, entre guillemets, quoi. Et comme c'est distribué dans la grande distribution, du plastique autour, bien sûr. C'est ça. Ça ne manquerait pas. L'industrie et la construction, bon, deuxième secteur, donc c'est les grands secteurs qu'il prend, hein, Biwix, l'agriculture, en fait, le secteur primaire, en gros, et le secteur secondaire. Donc là, effectivement, on baisserait le nombre d'emplois, mais ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il semblerait aussi que on aurait davantage de peut-être de travail pour produire des choses de meilleure qualité et plus durables. C'est surtout ça qui. Mais ça, bon, la mesure en nombre d'emplois n'est pas forcément évidente. Mais c'est vrai que, par exemple, pour un service marchand, comme le garagiste voilà, est dépouillé avec le moteur électrique d'une partie de son boulot, plus de pot d'échappement, il reste la carrosserie, quoi, pour aller vite, à condition que tu as dit, Morgane, c'est que tout le monde roule en bagnole électrique. Et ça, c'est pas franchement pour demain. Déjà, les Anglais, les Britanniques ont dit non. Et bon, c'est pas forcément low-tech, une voiture électrique. Enfin, ça dépend des voitures électriques, mais on peut se poser la question là-dessus. C'est la raison pour laquelle il faut se battre pour les transports gratuits. Tout à fait. Si tu me permets une parenthèse là-dessus, il faut aussi rappeler que le moteur thermique d'aujourd'hui, déjà, un moteur thermique, c'est pas quelque chose de très facile. Ça demande de l'industrie lourde. Vous n'allez pas faire une culasse de voiture dans votre garage, hein. C'est de la haute métallurgie et c'est de la métallurgie de précision. Et qu'en plus, la voiture thermique d'aujourd'hui est dopée à l'électronique, avec des injecteurs de précision. Et donc, du coup, la voiture thermique, il ne faut pas la voir comme une voiture low-tech. C'est une voiture qui est plutôt high-tech aujourd'hui. Alors évidemment, si vous reprenez votre Renault 5 des années 80, il y a beaucoup moins d'électronique. Je pense qu'on peut situer une limite à partir des années 90, où on avait des voitures qui étaient encore assez peu concentrées par l'électronique. Et donc, effectivement, comme on le disait, on peut donner comme exemple le projet de Gazeltech. Et je pense que là, on va rejoindre aussi la question de l'emploi manufacturier. C'est une voiture électrique qui a été conçue pour être le plus simple possible, mais surtout que les pièces ont été conçues pour être les plus simples possibles, pour qu'on puisse être capable de créer un réseau de production locale de la voiture à peu près n'importe où. Et donc le but, c'est pas de faire un modèle de masse où j'ai un seul constructeur qui va vendre les voitures partout dans le monde, mais c'est de créer un modèle où je pourrais avoir une usine, une micro-usine de voitures à côté de chez moi, et donc du coup multiplier l'emploi, parce que le but c'est pas de on est au contraire de l'effet de masse, en fait, c'est Réparer localement facilement. Exactement. Enfin, comme le vélo, quoi. Donc, c'est un comme bon exemple de low-tech, mais le vélo, il faut pas. C'est vraiment une grosse industrie aussi, parce que les pièces sont difficilement... Exactement, je pense qu'il y a possiblement aussi des évolutions à faire sur le vélo dans le futur, parce que ben, créer des maillons de chaîne, créer une cassette, toutes ces pièces de mécanique de précision, aujourd'hui demandent encore une industrie de métallurgie de haute précision. Entendu. Donc, on passe au service marchand. Alors là, c'est effectivement le problème. Je viens de parler des garagistes. Là, il y a quand même là peut-être des dégâts à s'attendre si on est dans une situation dans l'époque que nous voulons. La grande distribution, évidemment, prendrait un coup, manifestement. Donc, les transports, l'entreposage, tout ça, c'est... c'est Hub qui emploie monstrueux, qui emploie peu de personnel. Je pense évidemment à Amazon, comment ne pas y penser, et dans des conditions de chien en plus, des conditions de travail de chien. Ça, ce seraient des emplois qui seraient inévitablement touchés. Je pense aussi au réseau et au transport routier qui pourraient souffrir si jamais on avait l'idée toute bête de mettre pas mal de containers sur des trains. Encore qu'il faudrait encore éviter les containers. Et puis, il y a aussi les services financiers et les emplois du service marchand qui sont de plus en plus développés, pour lesquels Les étudiants les meilleurs se dirigent, je parle des services financiers, des services bancaires, parce qu'on gagne beaucoup de sous là-dedans. Et on a aussi, parce qu'on gagne beaucoup de sous, il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de monde dont le métier ne vaut pas tripette, n'est-ce pas, Morgane ? Oui, bah alors après, faut voir aussi que... si on parle sur effectivement une réduction de consommation, en fait, une réduction de besoin en termes de merchandising, de marketing, etc. Alors, on peut dire qu'effectivement, si on part sur moins de consommation, c'est les gens qui vont se retrouver au chômage. Bah, c'est simplement que ces esprits créatifs, ils vont faire autre chose, tout simplement. Enfin, on peut imaginer qu'ils vont partir sur l'industrie culturelle, artistique, divertissement ou autre. Oui. Moi, je voulais rebondir aussi, c'est que, en fait, quand on parle de technologie conviviale, quand on parle de low-tech, il ne faut pas oublier qu'on s'intéresse beaucoup à la technologie pour générer ces idées-là. Il y a plusieurs exemples qu'on s'était mis quand on a commencé à travailler ce sujet. Moi, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir le site de la Ferme Légère, qui est un écolieu dans le Béarn qui s'est déconnecté du réseau et qui essaie d'avoir le maximum de confort tout en ayant une autoproduction énergétique totale. Et en fait, ça a été 7 ans de travail, mais 7 ans de s'intéresser à comment fonctionne un panneau solaire, à comment on stocke de la batterie, etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Un autre petit exemple de low-tech, c'est SolX, qui est un planeur solaire, où le principe, c'est qu'on part d'un planeur sur lequel on va poser des panneaux solaires, et on a un moteur électrique qui est capable de faire décoller le planeur. Donc le planeur est autonome, mais par contre, ce que dit l'ingénieur, c'est qu'il dit, moi je peux pas aller où je veux, quand je veux, parce que il me faut de 1 du soleil, de 2, comme c'est un planeur, il faut des courants ascendants, et donc du coup, c'est plus du voyage comme on faisait hier, de je pars du point A, je fais mon plein, je arrive en point B, mais c'est d'un voyage tel que c'est en fonction des éléments que je vais décider de là où je peux aller. Oui, alors pour terminer, puisque Florent nous indique que c'est bientôt l'heure, il y a quelque chose qu'on n'a pas suffisamment évoqué, mais c'est pas le plus important parce qu'on y reviendra dans une émission future, c'est la part de l'État, la part moins de l'État d'ailleurs que de la fonction publique dont il faudrait parler. En tout cas, une chose est à peu près certaine, c'est que on aura besoin, sinon de plus d'État, plus de démocratie pour financer ce que nous voulons financer. Et je reviens sur Robert Boyer avec l'école et l'industrie et les arts, dont vient de reparler Morgane. Il va falloir, pour cela, une autre organisation de notre société et peut-être, on l'espère, quelque chose qui ressemblerait à une fiscalité et un développement de la planification, une fiscalité appropriée, pardon, et un développement de la planification écologique. Mais de cela, nous en parlerons dans une prochaine émission, d'ailleurs la prochaine pour la planification, au mois de février. On arrête là, Florent ? Technologie détruit la vie. Et le chant des feuilles dans les arbres s'envole quelque part, ni là-bas ni ici, dans l'actualité des réseaux connectés. Nous ne serons plus nulle part, nous ne serons plus nulle part. Et les gens téléphonent et téléphonent encore, en tenant par la main leurs milliards d'amis dans la ronde frénétique des ondes électroniques. Mais putain que ça fait chier, bordel. Un de ces jours va bien falloir s'y mettre pour pas finir taré au milieu des robots qu'ont des fils électriques qui pendent à leurs oreilles directement reliés aux centrales nucléaires. le malin, quand on sera plus capable même de faire des marmots, et qu'on n'aura plus qu'à aller sur internet commander des gamins, à condition bien sûr d'en avoir les moyens. Aïe, tchiki boum, tchiki boum, ça va bientôt faire boum. Aïe, tchiki boum, tchiki boum, ça va bientôt faire boum. Ça va bientôt faire boum, ça va bientôt faire boum. Ça va bientôt faire boum, ça va bientôt faire boum. Ça va bientôt faire boum. Et donc, c'était la technologie des obsédés du monde. Et donc, on passe aux actualités d'attaque maintenant. Oui, c'était une begin tout à fait charmante. Bien vu, merci Florent pour ce choix. Et oui, alors je vous rappelle que nous sommes sur Radio Campus, 106,6 MHz, DAB+, ou campuslille.com. Tout ce qui est important, c'est d'écouter Radio Campus. Et puisqu'on parlait de low-tech, on a une low-tech qu'on aime bien, Quentin. Oui, la radio, en fait. Voilà. ça me semble important de le rappeler. On parlait de low-tech jusqu'ici. La radio, c'est quand même quelque chose qui est simple, qui fonctionne partout dans le monde et qui porte très très loin. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'appareils comme on peut l'avoir pour la téléphonie mobile, par exemple. Et la 5G. En plus. Bien, alors les actualités d'attaque, je commence par l'international, bien entendu. Alors, oui, on a parlé de la guerre menée par Israël, non pas contre Hamas, mais bien sûr contre les Palestiniens, contre Gaza et la Cisjordanie. Eh bien, Attac propose sur son site une vidéo « Comprendre pour agir ». Gaza 2023, un tournant dans cette longue guerre coloniale. Cette vidéo est une conférence filmée avec trois personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui sont manifestement, puisque choisies par Attac, des gens compétents, des personnes compétentes. J'ajoute d'ailleurs deux articles de la publication d'Attac qui s'appelle « Les possibles », que je vous recommande d'aller... fouiller de temps en temps, puisqu'on en utilise, nous, pas mal de parties. Un premier article, c'est « Les dirigeants israéliens n'ont pas compris que dans une guerre asymétrique, le faible finit en général par l'emporter sur le fort », de Sophie Bessis, donc historienne franco-tunisienne, spécialiste du Maghreb, dont le dernier ouvrage est « Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours ». Chez Taillandi en 2019. Et d'autres articles dans les possibles, donc sur le site d'Attac, pour une approche internationaliste du conflit arabe israélo-palestinien, de Jeannette Abel, maître de conférence à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, qui est également membre, d'ailleurs, cette femme, du conseil scientifique d'Attac. Pour ce qui concerne, je vais en dire un mot quand même, hein, sur le remaniement ministériel. Je sais bien que ça ne fait pas partie des actualités d'Attac, mais je n'arrive pas à résister. Hein. On a quand même une ministre de l'Éducation nationale, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Et pourquoi elle n'ajoute pas le mondial de la pétanque à Marseille, hein ? Organisé par le journal La Marseillaise, journal de bonne tenue, je précise. Et elle a fait le bœuf dès sa première sortie, cette femme, mais elle s'est excusée en montant grossièrement chapeau. On avait besoin de ça comme ministre, merci Attal. Et l'autre coup de chapeau, il y en a un autre, hein, c'est celui du ministère de la Culture. C'est alors que c'est la mairie de Paris qui l'intéresse, elle l'a dit, c'est très clair. Elle se fiche de la culture comme de sa première culotte. On sait que c'est pour emmerder Ciotti, voilà. Ah, ça va être la culture du bling-bling, hein, de la haute mode, des trucs qui sont très très low-tech aussi dans leur conception. Hein. Oui, effectivement. C'est pas la culture populaire, non. Puisqu'elle se fout de sa première culotte, ça me fait penser que le Premier ministre qui écope d'une charge de travail supplémentaire pour encore écrire sur la culotte des femmes dans ses bouquins. Voilà, donc passons à des choses un peu plus sérieuses quand même. Je parle de l'affaire Geneviève Le Guay, membre d'Attac, hein, qui est sortie de chez elle pour aller manifester pour défendre le droit de manifester. Or, elle s'est trouvée en face d'un commissaire Rabat Sushi, qui lui s'est dit que la manifestation est interdite et que donc on va bousculer les gens. Effectivement, le groupe des militants a été nassé et frappé, et Geneviève a eu quand même quelques échymoses, et puis des esquimaudes, je dis bien, dont elle a souffert. Ça se passe maintenant devant la justice, au tribunal administratif. C'était le 12 janvier dernier, et Geneviève en question a été défendue par Attac, par le porte-parole d'Attac, Raphaël Prado. Donc les faits, je viens de les dire, surtout que le capitaine de gendarmerie dit qu'il n'y avait aucune raison de mener cette charge qui était disproportionnée étant donné que la foule était calme. Eh bien, apparemment, on va savoir ça bientôt. Le tribunal administratif a surtout dit qu'il n'y avait aucune raison d'interdire cette manifestation. On attend la suite. En tout cas, la victime est accusée d'être coupable. C'est commencé comme ça. Bien, le rapport d'Oxfam. Le rapport d'Oxfam, évidemment, on ne peut pas le louper, puisque c'est la période de Davos. Ça pourrait être dans l'international, d'ailleurs. Le rapport d'Oxfam, multinationale et inégalités multiples, voilà à peu près ce dit le rapport. Les 5 hommes les plus riches du monde, leur fortune a plus que doublé depuis 2020, passant de 405 milliards de dollars à 869 milliards de dollars, ce qui est pas mal, effectivement, ce qui représente une augmentation de 14 millions de dollars par heure. Qu'est-ce qu'il faut être mesquin pour faire ces calculs-là ? Moi, je trouve ça... Bref. Dans le même temps, la richesse cumulée des 5 milliards de personnes, a baissé. Champagne. En France, il n'y a pas de raison de ne pas parler de la France. En France, en 2019 et en 2022, la richesse cumulée des 90% des Français a baissé de 3,9%, pendant que la fortune cumulée des 4 milliardaires français a augmenté de 87% entre 2020 et 2023. Oui. Elle a baissé pour plus de 15% des personnes des 30% les plus pauvres. Re-Champagne. Bien, je passe aux migrations et à cette putain de loi qui essaie de faire passer par le Conseil constitutionnel. C'était quand même incroyable. On se défausse au gouvernement sur le Conseil constitutionnel pour faire les lois. C'est pas exactement comme ça qu'on envisageait la République. Nous, en tout cas, n'oubliez pas, demain, manif, 11h grand place, et pour les gens d'Attac, on se réunit devant le Théâtre du Nord. Au local, eh bien, on se pose des questions. On se pose des questions, puisque on ne donne plus de nouvelles de Saint-Sauveur et de la friche industrielle. Maintenant que les 24 hectares sont entourés de grilles insurmontables, là, on se demande que va devenir les piscines. Et les mauvaises langues disent qu'avant les municipales, dans 2 ans, on n'ose pas trop se mouiller, c'est le cas de le dire, pour une piscine, et on ne sait pas qui pourrait avoir le manche pour diriger la Melle et la ville de Lille. Et donc, c'est un véritable problème, puisque la ville de Lille, on peut espérer quand même que Castelin se dégage avec les différentes casseroles qu'il a au cul. Transport gratuit, on termine là-dessus, à Roubaix, Attac et le collectif des transports gratuits ont provoqué une intervention au conseil municipal pour obtenir la gratuité des transports pour les bénévoles sans ressources qui travaillent pour le Secours Pop. Bien, figurez-vous que ces gens-là, les bénévoles qui n'ont pas de moyens et qui sont quelquefois dans une situation sociale très difficile, se déplacent pour venir donner un coup de main. Ils viennent de Wascal, de Waterloo, de Villeneuve d'Ascq, de Lisle-et-Lannoy. Il faut dire qu'il y a 13 000 à 15 000 personnes qui dépendent du Secours Pop au nord-est de l'île. Je termine avec, puisqu'on a parlé du bouquin de Biwix, je termine avec la référence du bouquin que je ne trouve pas. Le livre L'âge des low-techs. L'âge des low-techs, merci. Éditions du Seuil, oui. Aux éditions du Seuil, 2014. 2014, tout à fait. Voilà. Et enfin, non, j'ai une autre annonce, mais il faudrait que je retrouve mon papier. Il reste très peu de temps. Il reste très peu de temps. Donc, Biwix est dans nos murs, mardi à 17h30, ah oui, à Saint-Sauveur. Merci. Dans un instant, c'est donc le magazine de Radio Campus. Donc, restez sur Radio Campus. Merci. Et à au mois prochain. Au mois prochain.